monsieur, bonjour madame. Ici tout le monde se croise et se salue, de belles intentions aux surnoiseries. Mon Dieu que c'est petit. De trottoir en trottoir, les regards se sentent amicaux, dévastateurs et certains nigauds tentent de vous faire peur. Le regard de l'autre est souvent pesant, quelquefois marrant et un brin attendrissant. Des trottoirs fantômes devant mon miroir. Rapapam, rapapadam, rapapapadada. Rapapam, rapapadam, rapapapadada. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ici tout le monde se croise et se salue, de belles intentions. Surnoiserie, mon Dieu que c'est petit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Au fil du temps, le quartier se réduit, seuls restent les fidèles. Les autres se rappellent mélancoliquement des bons moments dans la petite ville. La petite ville. La petite ville. La petite ville. La petite ville.